Alors, je voudrais commencer peut-être par deux remarques qui ne sont pas tout à fait au cœur de mon propos, parce que, évidemment, je n'ai pas du tout la même expérience et la même pratique que Farid Benaï. D'une part, j'enseigne la philosophie de façon très classique dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis, j'ai cette direction de programme donc, au Collège international de philosophie sur la décolonisation des savoirs. Et les premières remarques que je voudrais faire, c'est sur l'état d'urgence, en fait. L'état d'urgence n'a pas été contesté, en réalité, jusqu'à ce qu'il affecte les écologistes. Et j'ai moi-même signé une pétition, contre l'état d'urgence avec les écologistes, mais en remarquant que les écologistes étaient très peu sensibles au fait qu'ils étaient les victimes collatérales de l'état d'urgence, et que si l'état d'urgence n'avait pas, soulevé de fortes oppositions, c'est parce qu'il concernait, j'emploierai une dénomination tout à fait ancienne et en principe désuète, les Français musulmans. Donc c'est les Français musulmans qui sont l'objet de perquisitions administratives, d'enquêtes diverses et variées, avec des résultats dont on sait qu'ils sont très aléatoires. Et ça ne dérange pas la population française, ça ne dérange pas non plus les intellectuels. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, ce sont évidemment les intellectuels. Je suis toujours frappée, si vous voulez, par cette violence qui est liée à une forme d'indifférence, en fait, aux situations, d'exception. Aux situations d'exception qui sont le lot quotidien, en fait, mais accentuées, bien entendu, depuis ces terribles attentats du 13 novembre. Donc, je voudrais dire un certain nombre de choses sur la question de la décolonisation du savoir. Bon. Bien sûr, c'est une question qui est d'ordre épistémologique. C'est une question d'ordre épistémologique, mais je ne considère pas que les questions d'ordre épistémologique ne soient pas des questions politiques. Ce sont des questions politiques, ce sont des questions politiques très importantes, bien entendu, parce que, de mon point de vue, alors je fais une parenthèse parce que, je la ferai tout à l'heure en fait. Donc, des questions politiques, évidemment, très importantes, qui mettent en jeu le fonctionnement des institutions et le fonctionnement de toutes les institutions, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement, l'édition, le fonctionnement des revues, le journalisme, etc., etc., etc. Alors, dans le cas français, de mon point de vue, il y a eu, s'agissant des études postcoloniales, il y a eu, dont je me demande si elles existent véritablement en France, je dois le dire, à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2015, il y a un énorme obstacle épistémologique, et cet obstacle épistémologique, c'est la guerre d'Algérie. Alors moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que je suis très classique dans ma formation, mais pas forcément dans mes positions, parce que je voudrais revenir en quelques mots sur la guerre d'Algérie. Je rappelle qu'au moment de la guerre d'Algérie, on a considéré qu'il n'y avait pas d'interlocuteur valable et que donc on ne pouvait pas discuter avec des Algériens. C'était l'expression française, on ne trouvait pas d'interlocuteur valable. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas reconnu jusqu'en 1999, c'est-à-dire extrêmement tardivement, la guerre d'Algérie. Alors pourquoi est-ce que ça m'interpelle ? Ça ne m'interpelle pas exactement de façon historique, ça m'interpelle de façon philosophique, parce que je reprendrai à mon compte, en fait, une triple définition de l'homme qu'on trouve dans l'Antiquité, c'est la définition de l'homme par Aristote. L'homme est un animal rationnel, il parle, il est donc politique. Et troisièmement, ce qui n'est pas sans rapport avec les deux autres éléments de la définition, c'est un animal imitateur. Donc, On sait depuis qu'Auschwitz que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc c'est la même chose de considérer qu'il n'y a pas de guerre et qu'il n'y a pas de rationalité qui permet de discuter. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que ça jette une ombre sur les penseurs des anciennes colonies françaises. On veut bien qu'il y ait des écrivains qui sont dans le mythos et non pas dans le logos. On veut bien qu'il y ait des écrivains, de la fiction, on aime Boualem Sansal. Mais si on veut un philosophe ou un historien qui discuterait en fait avec les historiens français, bon, il y en a eu, je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais on sent qu'il y a des résistances qui sont extrêmement fortes et qui sont dans une espèce d'enfermement structurel qui est, à mon avis, produit par la guerre d'Algérie et ses conséquences. Je vais vous en donner un exemple. Je suis très sensible depuis de nombreuses années aux politiques de publication. On a dit, en France, il n'y a pas d'études fanoniennes. Vous savez que Frantz Fanon, c'est un des pères des études postcoloniales. Zéro étude fanonienne en France pendant je ne sais combien d'années. C'était impossible. De toute façon, les gens disaient avec vraiment, quand je dis les gens, je ne parle pas de la personne du quartier, je parle du directeur du département de philosophie, de telle université parisienne, etc. Si c'est pour parler de Fanon, hein, ce n'est pas la peine. Bon. C'est les rognures d'ongles de l'histoire. Alors, je m'explique sur les rognures d'ongles de l'histoire. Les rognures d'ongles de l'histoire, c'est un peu philosophique, évidemment, puisque c'est ma formation, mais ça a quand même un sens. Les rognures d'ongles de l'histoire, c'est lorsque Hegel invente l'histoire universelle, mais il invente l'histoire universelle en disant, hein, c'est sous sa plume, que l'histoire universelle, évidemment, c'est pas l'histoire de tout le monde et que dans cette totalité, eh bien, il ne faut pas s'occuper des rognures d'ongles. Voilà. Ben moi, je fais partie des rognures d'ongles. Je suis dans le vaste terrain, n'est-ce pas, des rognures d'ongles dont on n'a pas besoin de... Alors, je vous disais, je vais vous donner un exemple à propos de Fanon. Il y a eu l'essai d'Alice Cherki, qui a été publié en 2000, qui a commencé, si vous voulez, un peu à ouvrir, à desserrer le verrou. Parce que c'était véritablement un verrou. Et puis, le premier livre, après l'essai de Alice Cherki, c'est un livre qui a été consacré à Fanon par Mathieu Renaud, en 2011, si je ne m'abuse, publié aux éditions Amsterdam, dans lequel, miracle de la philosophie, vous savez, c'est comme le miracle de la Sainte-Épine, des réalisations totales, c'est-à-dire qu'il n'est jamais question de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que la violence de Fanon, c'est une violence qui arrive ex nihilo. Elle arrive seulement sur le plan théorique. C'est sur le plan théorique exclusivement que la question se pose de savoir, hein, alternative bien facile, rhétorique, de savoir si Fanon fait ou non l'éloge de la violence. Vous voyez ? Et donc, ça devient un peu, si vous, je le dis tel que je le pense, ça devient un petit peu jésuitique, bien sûr. Ben oui. Donc, eh bien, c'est ce post-colonial-là que la France intellectuelle apprécie. C'est pas un post-colonial qui concerne les anciennes colonies. C'est-à-dire, c'est un post-colonial qui fait l'impasse sur les anciennes colonies. Et c'est un post-colonial qui fait l'impasse corrélativement sur les sujets provenant de ce post-colonial. Je rappelle quand même que ce vocabulaire de l'origine, c'est un vocabulaire qui date de l'indépendance, mais côté français. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment de l'indépendance? Il se passe au moment de l'indépendance que... il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont de nationalité française, mais il se trouve que parmi ces gens de nationalité française, il y en a qui sont musulmans. Donc on va dire que ce sont des Français d'origine musulmane. Ça veut dire que le vocabulaire de l'après-guerre d'Algérie a subsisté et continue à tel point qu'on pose toujours la question de l'origine, à laquelle on va opposer le français de souche. Et dans ce paysage, bien entendu, on oublie totalement, je pourrais revenir, on sait qu'il y a des secteurs de la vie universitaire, intellectuelle et de la recherche qui sont plus conservateurs que d'autres. La philosophie est un des fleurons du conservatisme. Eh bien, on oublie totalement les départements d'outre-mer. Dans les aidants, quand je lis des choses sur le post-colonial, il y a Mayotte, ça n'existe pas. Les musulmans, ils ne sont pas de Mayotte. Pourtant, on a bien voulu avoir un département français à majorité musulmane. Donc, on oublie les Antilles, etc. Et on peut, moi j'aimerais bien lire ça, on peut faire une sociologie, bien entendu, des universités, voir un peu qui dirige les départements, combien il y a de Noirs, combien il y a d'Arabes. Et pour les Noirs, c'est beaucoup plus grave, bien entendu. Pour les Arabes, c'est moins grave parce qu'il y a le domaine des études moyen-orientales, la science politique, etc., qui, des espèces, si vous voulez, de niches, qui laisse de la place à des dits arabes. Alors c'est lié bien sûr à quelque chose qui est souterrain, qui est quelquefois exprimé bien entendu, qui est tout à fait contestable. Eh bien là j'ai une différence à votre langage. Pour moi il n'y a pas de communauté nationale. Donc, par exemple, ce qu'on trouve sous la plume de gens comme Pierre Nora, qui distingue histoire nationale et histoire coloniale. L'histoire nationale, il y a l'histoire coloniale, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement structurant. Donc, vous êtes dans l'histoire coloniale. Ça n'a rien à voir avec le national. Donc, c'est quelque chose qui est très partagé. C'est quelque chose qui est très partagé et c'est quelque chose qui va diffuser dans un certain nombre de départements, puisque nous avons aussi dans notre système universitaire, je dirais, un problème qui est lié à la division des champs en termes de discipline et non pas en termes d'objet, ce qui fait que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il ne peut pas y avoir d'études postcoloniales. Parce qu'il y a des études postcoloniales en fonction des objets, et non pas de « je suis de la philo, je suis de l'histoire, je suis de ceci, je suis de cela ». C'est là que je veux faire une parenthèse. Ayant une double formation de philosophie et de sciences politiques, je suis beaucoup plus sensible que certains de mes collègues aux questions qui sont empiriques, ou à la dimension empirique des questions, si on peut dire les choses de cette façon-là. Alors, il se trouve aussi, le deuxième obstacle épistémologique à l'existence de ces études postcoloniales en France, c'est l'hégémonie de l'historiographie. L'hégémonie de l'historiographie, selon les objets, on trouve quelquefois des positions de disciplinaire hégémoniques. Donc, il y a une hégémonie très forte de l'historiographie. Et cette hégémonie, elle n'est pas, pour l'instant, elle n'est pas véritablement remise en question. C'est-à-dire qu'on ne pense pas est-ce que l'anthropologie a quelque chose à dire sur le postcolonial, ou est-ce que la philosophie a quelque chose à dire sur le postcolonial, etc. Alors, il y a, je dirais, deux ghettos dans le paysage, j'appelle ça, moi, un paysage de bocage, paysage universitaire français, le bocage. Donc, dans ce paysage de bocage, il y a des champs, il y a deux petits, assez petits, c'est la littérature comparée et les départements anglophones. Alors, j'en viens à la littérature comparée, où il y a un peu plus de réflexion postcoloniale. Et puis les départements anglophones, parce que les départements anglophones, là aussi ça irrigue tout le champ, c'est un détour mais fabuleux pour ce que j'appelle l'élision du sujet. L'élision du sujet postcolonial français. On va s'occuper de la race aux États-Unis, de ce que nous apprennent les Américains sur la race, aux États-Unis, mais pas, pas en France. De, etc., etc. Éventuellement, on va faire un petit détour par, par les Anglais originaires des West Indies. Et du coup, on va laisser dans l'ombre ce, ça s'entend le CE, l'objet, et le CEUX, évidemment le sel, a fortiori, qui viennent d'univers, en fait, complètement subalternisés dans le champ intellectuel, et auxquels on ne donne pas la parole. Pourquoi on ne donne pas la parole? C'est pas qu'on ne veut pas donner la parole, c'est parce qu'on est relativement indifférent. Alors, il n'y a pas de mauvaise volonté, c'est pas exactement ça. Je sais que certains auteurs considèrent que c'est plus de l'entre-soi que de la discrimination à proprement parler. Mais qu'on soit dans l'entre-soi ou dans la discrimination, on sait que, disons, avec ceux qui se présentent comme des nouveaux venus, sont des nouveaux venus, eh bien, le ticket d'entrée, hein, pour prendre le langage du ticket d'entrée, ces nouveaux venus, ils ont jamais, ils peuvent jamais acheter les tickets d'entrée suffisamment chers. Le ticket d'entrée, il est toujours... il est toujours plus cher que ce qui a été imaginé ou dit, ou voilà, le malentendu règne. Donc, de mon côté, c'est-à-dire des gens avec lesquels je travaille, on est extrêmement, c'est pas qu'on est minoritaire, c'est qu'on est totalement minorisé. On est minorisé de multiples façons, et on est minorisé, ça a des conséquences, ça a des conséquences sur la nature des débats. Parce que de mon point de vue, les débats, ils sont confisqués. Ce sont des débats qui placent des gens comme moi, parce qu'il y a une dissymétrie, qui passent des gens comme moi dans le E et dans le L, alors que moi je ne me situe pas dans le E et dans le L, mais je suis renvoyée. Si vous voulez, à flot régulier, si vous voulez, c'est comme les petites vagues, hein. C'est comme les petites perceptions dont parlait Nietzsche, hein, puis au bout d'un moment, on entend le creux de la mer, avec toutes ces petites vagues qu'on entend quand on habite au bord de l'eau. Et donc, ça donne des malentendus extrêmement profonds, des dissensions, et je dirais des différends qui sont extrêmement graves. C'est-à-dire, il y a des écartements. Il y a des écarts, il y a des fossés entre eux, les uns et les autres. Et alors, ce qui s'est produit effectivement, ce que vous releviez, c'est que le paternalisme d'antan a cédé la place à une relative hostilité. Parce que tout se passe comme si la personne qui ouvrait la bouche pour dire quelque chose de rationnel et donc aussi de politique, forcément, était en train de revendiquer quelque chose. Genre, qu'est-ce que vous me demandez? Moi, j'ai pas... Donc, vous voyez, la discussion qui a disparu, elle était très intéressante, la discussion, heureusement, qui a disparu sur la fameuse repentance. C'était véritablement le voile des apparences, ça. C'était très intéressant, parce que ça permettait de dire, dans un vocabulaire qui est un vocabulaire moral et religieux, quelque chose qui n'a rien à voir avec la repentance, en revanche qui a à voir avec l'ouverture relative. L'ouverture, elle n'est jamais complète, mais l'ouverture relative de l'université. J'emploie le terme générique puisque après il faut introduire des différences, etc. Mais dans mon cas, il faut savoir que je suis largement plus invitée à l'étranger, où on considère que je suis légitime, vous comprenez, pour intervenir sur telle ou telle question, qu'ici, où justement je vais être frappée d'illégitimité. Pourquoi est-ce que je vais être frappée d'illégitimité? Parce que la situation est la suivante, c'est que les gens qui sont, eux, impliqués dans une histoire, etc., ils pensent qu'ils sont le tiers. Je m'adresse à des gens qui sont en face de moi, mais la situation, ce n'est pas le « je » et le « tu », vous comprenez? La situation, c'est que le « tu » qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui pense qu'il est un « il » et qui va pouvoir distribuer les points et dire que là, il y a une chose, et là, et qui pense qu'il est dans l'impartialité, bien sûr. Et qu'il y a quelque chose qui est profondément enraciné ici en France, du fait que, par exemple, ceux qui pensent qu'ils appartiennent à la communauté nationale pensent que c'est à eux de juger et non pas à ceux qui n'appartiennent pas, entre guillemets, à cette communauté nationale. Alors, quelle en est la conséquence? Eh bien, la conséquence, moi je dirais, c'est d'un point de vue intellectuel, c'est la surreprésentation dans le champ des débats des gens, de personnes qui sont dotées de moins de moyens intellectuels, mais militants, mais de moins de moyens intellectuels, de moins de capital social, culturel, etc., que ceux avec lesquels ils débattent. Alors on va par exemple trouver, hein, c'est une critique que je formule, on va trouver génial les indigènes de la République. Parce que la flamme, si vous voulez, la flamme de l'indigène de la République compense, n'est-ce pas, le manque de capital culturel. Et quand je dis le manque de capital culturel, je ne dis pas du tout, je le dis dans des termes neutres, hein, ce ne sont pas des jugements de valeur. Mais ce qui fait que c'est une subalternisation constante, que l'on retrouve constamment dans les médias, dans les journaux, à la télévision, etc., etc. Alors, bon, évidemment, quand on parle des États-Unis, maintenant, si vous me permettez, hein, si vous êtes toujours... quand on va aux États-Unis, vous voyez, ben, vous avez des gens qui sont d'origine camerounaise, et qui dirigent des départements. Vous avez des gens qui sont professeurs de philosophie à Columbia University, de nationalité sénégalaise. J'en viens au national. Moi, je n'admire pas les États-Unis. Je n'ai rien contre, je n'ai aucune prévention contre les États-Unis, mais je n'admire pas les États-Unis parce que ce n'est pas la même chose d'avoir une politique impérialiste et d'avoir une politique néocolonialiste. Moi, je ne dis pas post-colonialisme, je vous dirai pourquoi ultérieurement. Les Américains, ils envoient des Américains qui parlent déjà l'arabe avant qu'ils arrivent en Algérie, en Égypte, etc. Moi, quand je suis en Algérie, par exemple, je ne vois pas autant de Français que je vois d'Américains aujourd'hui. Quand je vais au Caire, je vois beaucoup d'Américains au Caire. Parce que dans une politique impérialiste, on veut faire venir, n'est-ce pas, les gens, et c'est comme ça qu'on assoit son empire, bien sûr. Ne serait-ce que symboliquement. Quand on est, c'est une ancienne colonie, quand on est dans une politique néocoloniale comme la politique de la France, eh bien les indigènes là, de la République, on les veut, mais ailleurs. On ne va pas, vous comprenez, on ne va pas aller s'intéresser. Alors ça donne que l'historiographie française, par exemple, puisque je donnais l'exemple de l'historiographie, ben, l'historiographie française, ce n'est pas une historiographie qui est beaucoup centrée sur les pays étrangers. Hein. C'est une historiographie largement nationale. Et ça pose des problèmes. Donc, vous voyez, il y a un ensemble, je ne peux pas indiquer tous les éléments, si vous voulez, de cette architecture carcérale. Je le dis, bien sûr, le terme est un peu fort, mais c'est quand même de cela qu'il retourne. Je dirais que, vous voyez, la question du national en France, on la voit par exemple dans les recrutements. Moi, je pense à des qualifications du CNU. Là, je fais référence à un volume de la revue Mouvement qui s'intitulait, que j'avais dirigé avec Jim Cohen, Décoloniser les savoirs, où j'avais écrit un texte intitulé Décoloniser les institutions. Donc, les qualifications du CNU. Moi, je connais plutôt en philosophie, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et puis ça ne m'intéresse pas d'aller relever, si vous voulez, la multiplicité des exemples. Moi, je ne suis pas sociologue, je ne veux pas faire de statistiques. Mais on prend quelqu'un, mais ça m'intéresserait bien, hein, mais je ne peux pas tout faire. Donc, on va prendre quelqu'un, par exemple, on prend quelqu'un, il y a un Haïtien qui connaît véritablement, hein, il sait vraiment ce que c'est le post-colonial. Il y a un Haïtien, dans les jugements, on sait, parce que j'entends les discussions qui arrivent à côté, si vous voulez, que bon, est-ce qu'il va rester en France, si vous voulez, on considère que pour lui, la qualification au Conseil national des universités, c'est pas si important. Par contre, le Français, on considère que c'est important. Parce que le Haïtien, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il est haïtien. Et donc, le national est là. Le national, et non seulement c'est du national, en l'occurrence, mais c'est du racial. C'est du racial. Donc moi, mes collègues de philosophie, les gens de ma génération, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés en France, ils sont allés aux États-Unis. Parce qu'en France, c'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc, moi, je ne dirais pas non plus que l'université ou l'école est progressiste. Vous voyez? C'est comme communauté nationale. Je pense que c'est un univers social comme un autre. Je suis bien placée pour savoir, s'agissant de l'école, c'est-à-dire du lycée, que c'est très racialisé, extrêmement racialisé. C'est pas racialisé forcément de façon, c'est racialisé très souvent de façon plus discrète que spectaculaire. Mais ça n'en est pas moins racialisé. Quelquefois, c'est spectaculaire. Mais quand c'est spectaculaire, c'est un scandale et malheur à celui ou à celle par qui le scandale arrive. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième enfermement, c'est la difficulté à publiciser, par exemple, les choses. Je donne un exemple. Soit une liste de diffusion syndicale. C'est ce que vous évoquez. Pour les listes de diffusion syndicale, on préfère le professionnel, éventuellement référence à la classe. Bon, un peu moins relativement au genre, parce que déjà là, hein, les syndicats sont pas trop. Mais alors, s'il s'agit de la race, c'est terminé. Il est certain qu'on va être censuré. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Ce n'est pas possible de parler de ça. On ne peut pas parler de la racialisation. On ne peut pas parler de ce qui se passe réellement. Vous voyez ? Donc, finalement, il y a différents facteurs. Hein. Il y a des facteurs à long terme, il y a des facteurs historiques lointains, il y a des facteurs politiques plus proches, il y a les lignes politiques au sens des partis, etc. Mais ça donne des choses qui donnent une situation, si vous voulez, qui marginalise, non pas seulement des personnes, bien sûr que les personnes sont marginalisées, mais aussi des types de sujets. Parce qu'il y a des types de sujets qu'on ne peut mettre en avant parce qu'on a une certaine position dans le champ, je dirais, pour employer ce langage. Si on n'a pas la position dans le champ, on ne peut pas le voir. Ce n'est pas possible. Donc, je terminerai de cette façon. Moi, je suis relativement pessimiste. Je pense qu'il y a un imaginaire de l'européen et de non-européen, par exemple les Roms. Les Roms pensent que c'est la représentation des Roms, c'est comme si on parlait de non-européens. Il y a une représentation extrêmement forte, il y a un imaginaire extrêmement puissant parce qu'il est extrêmement partagé. C'est des représentations qui ont des effets mais quotidiens, en fait, et des effets quotidiens pas seulement dans ce qu'on appelle les quartiers. Ils ont des effets quotidiens partout. Alors la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que vous aurez compris que je m'intéresse principalement aux univers, si vous voulez, d'échanges de biens symboliques, plutôt que de biens réels, j'entends, commerciaux, etc. et que dans cet échange, si vous voulez, de biens symboliques, la situation, elle est plus grave, en fait. Je pense qu'elle est pire. Hein, on le voit par exemple dans la politique, avec la sous-représentation. Hein, la sous-représentation non seulement en termes de classe, on le sait, mais en termes de genre et en termes de race également. Eh bien, dans ces univers, ça, plus les univers sont symboliques et plus ils sont fermés, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, moi, je fais pas partie, je dois le dire, de ces intellectuels qui considèrent que l'enfer se trouve dans les entreprises privées. Parce que je considère au contraire que de ce point de vue, il y a des possibilités, quand il s'agit donc de biens réels dans les entreprises, qu'on ne trouve pas dans ces univers symboliques. Voilà.